Seul ou bien à deux ou bien à trois? Seul, Seul. mais dans ma Dans le projet, organisation, oui. Il y a il y a trois trois autres volontaires. autres volontaires. Oh, ça fait très bien. Ça fait très bien. Tu as le bac? Oui, je fais le bac en août. Tu feras le bac en août. Ok, très bien. Et quelle est la capitale du Togo? Lomé. Très bien, là, très bien. Là, tu comprends les choses. Quelle est la langue officielle du Togo? Français. Très bien.